La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à tous. Aujourd'hui lundi, nous nous intéressons à une femme dont les romans parlent à plusieurs générations de lecteurs à la fois. Je veux parler de J.K. Rowling et de sa saga Harry Potter dans une émission proposée par Chloé Casmarek, Anne-Vanessa Prévost, Didier Pinault, Laurence Millet, Laurence Genepin et Élise Leu. L'omniprésence, il y a quelques années, du personnage de Harry Potter dans notre champ de vision culturelle, qui surgissait sous forme de silhouette cartonnée des rayons de librairie et de supermarché, qui brandissait sa baguette, elle aussi cartonnée, des poches de sa cape cartonnées, et dont on voyait la tête scotchée sur les machines à pop-corn des chaînes de cinéma, voire même sur les sacs à dos des écoliers. Tous ces signes-là ont surtout eu comme effet magique d'associer cette saga avec la sphère du commerce et de la littérature sortie d'usine. Et pourtant, Harry Potter, c'est tout le contraire de cela, c'est-à-dire une œuvre de littérature. C'est pour cela que nous en parlons jusqu'à jeudi. Enfin, pas tout à fait jeudi, puisque notre dernière émission s'étendra au-delà des frontières de Harry Potter. Nous parlerons en effet plus largement du genre littéraire auquel cette saga appartient, c'est-à-dire la fantasy. Nous le ferons avec l'universitaire Anne Besson. La veille, c'est sous l'angle philosophique que nous aurons parlé de la saga de J.K. Rowling avec Marianne Chaillant, professeure de philosophie en terminale et auteure du livre Harry Potter à l'école de la philosophie. Enfin demain, avec Jean-Claude Milner puis Isabelle Smadja, nous nous intéresserons à la politique chez Harry Potter ainsi qu'aux raisons du formidable succès de ce livre. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, pour notre émission introductive, je reçois François Combat, qui a donné à Sciences Po un cours intitulé « Harry Potter, approche littéraire, psychanalytique et politique », dans lequel il entendait replacer cette œuvre dans l'histoire de la culture occidentale, de l'Iliade jusqu'à Jane Eyre. Avec lui, nous tenterons également de nous remémorer quelques-uns des grands événements de la vie de J.K. Rowling. Également autour de cette table, Jean-François Ménard, écrivain et traducteur de la série des Harry Potter. Avec lui, nous parlerons en seconde partie de la langue de J.K. Rowling ainsi que de la traduction qu'il a faite de ses livres. Bonjour à tous, voici la compagnie des auteurs. Still afraid, where do his intentions lie? Or does he even have any? I wouldn't say that I based any of these women on specific women that I knew. Je ne dirais pas que je me suis spécifiquement inspirée de femmes que je connais pour écrire des personnages féminins. Mais Hermione est une version exagérée de moi-même, donc c'est bien du plus profond de moi-même qu'est née Hermione. Je manquais de confiance en moi, et à bien des égards, c'est encore le cas. Mais j'étais une personne qui manquait vraiment de confiance en elle, et je le suis restée pendant bien plus longtemps que je ne voudrais l'admettre. Et je pense qu'écrire sur la période de la vie d'Hermione que j'ai choisie, sa transformation de fillette en femme, parce que le livre s'achève quand elle a 18 ans, je pense que cela m'a rappelé à quel point c'est un moment difficile. On attend tant de choses de vous quand vous devenez une femme, et souvent, on vous demande de sacrifier une partie de vous pour devenir une femme. Hermione ne se plie pas à ses attentes, elle ne joue pas le jeu. Bonjour François Combat. Bonjour. Vous avez beaucoup écrit sur ce roman, cette série de romans Harry Potter que vous considérez comme un des 20 ou 25 plus grands romans que l'on ait jamais écrit. À quel point est-ce que cela vous a conduit à vous interroger aussi sur son auteur J.K. Rowling ? M'interroger sur l'auteur, oui et non, parce que les auteurs se dérobent au moins tant qu'ils sont vivants et qu'on peut les interviewer. Ah, on pourra s'intéresser à la biographie de J.K. Rowling quand elle sera, quand elle ne sera plus de ce monde, parce qu'à ce moment-là, des historiens, des biographes se procureront des archives, examineront les comptes en banque, prendront la mesure des appartements qu'elle a pu occuper. On aura, si vous voulez, une approche savante d'une biographie, alors que pour l'instant, on en est réduit à extrapoler à partir de ce qu'elle avoue, de ce qu'elle n'avoue pas. Et c'est différent, si vous voulez. De reste, elle-même, elle est méfiante vis-à-vis de la démarche biographique. Elle l'indique hein, dans son roman. Le personnage de Rita Skeeter, au tome 7, a produit « Vie et mort » d'Albus Dumbledore. C'est une biographie, on va dire, de journaliste, qui n'est pas très gentil pour les journalistes, mais enfin, c'est ça. Elle n'aime pas beaucoup hein, les journalistes. Non, elle n'aime pas beaucoup les journalistes. Et ce qui est très frappant dans cette biographie, c'est qu'évidemment, tout n'est pas erroné et tout n'est pas mensonger, mais tout est poisseux. Parce que faut faire du sensationnel, parce que on ne peut pas s'empêcher de romancer. Et là, je crois qu'il y a vraiment d'avoir inclus dans son livre la lecture de quelques chapitres de la biographie de Dumbledore, c'était une façon de nous dire méfiez-vous de ces productions-là. Mais quel est le problème avec la biographie de Dumbledore ? Ah ben, la biographie de Dumbledore lui attribue un passé politique un peu compliqué, lui attribue un égocentrisme et un égoïsme familial dévastateur, puisqu'il avait une sœur handicapée. Et puis, alors ça, c'est des passages auxquels on a accès, si j'ose dire. Et puis, il y a d'autres chapitres dont Harry ne veut même pas prendre connaissance, où on devine en filigrane que Dumbledore se serait mal comporté avec lui. Et c'est peut-être vrai, alors? On l'aurait su par ailleurs, et dans l'attitude que Harry a avec Dumbledore de son vivant, et surtout après sa mort, il le réhabilite à la fin dans le duel face à Voldemort. Mm-hmm. Il salue les trois personnes à qui il doit sa victoire, c'est-à-dire sa mère, Dumbledore et Rogue. Mm-hmm. Il n'a pas un mot pour son père, en revanche. Et on rappelle que Dumbledore est le directeur de l'école où se trouve Harry Potter, pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas les personnages. S'il en reste. Il doit en rester quand même quelques-uns. Quand elle disait dans cette archive J.K. Rowling que finalement elle s'identifie un petit peu tout de même à ce personnage de Hermione, qu'est-ce que ça peut nous dire quand même, je vais être obligé hein, d'insister un petit peu, qu'est-ce que ça peut nous dire sur la personnalité de J.K. Rowling, ou en tout cas la personnalité qu'elle souhaite donner comme ça à ses auditeurs? Moi je trouve ça très frappant, j'ai trouvé ça très intéressant cette interview, parce que elle nous parle de son livre, elle nous parle d'Hermione comme si Hermione était le personnage principal du livre, c'est absolument pas le cas, et c'est là qu'on voit qu'elle est une des forces, je pense, de J.K. Rowling comme romancière, c'est qu'elle est incapable du moi-je. C'est-à-dire qu'elle n'est absolument pas dans une démarche autobiographique. Elle a créé un monde, elle a créé un personnage, et ils lui ont tellement bien échappé que lorsqu'on lui parle de son livre, elle répond sur Hermione, alors que Hermione est un personnage important, mais ça n'est pas le personnage principal du livre. Mmh. Vous voyez, c'est rigolo. Elle-même, elle n'a pas l'air de se rendre compte que son livre existe indépendamment de ses intentions d'auteur. Mais quand elle dit « Hermione ne joue pas le jeu que les autres lui demandent en tant que fille, que femme, de jouer », là, on peut peut-être... Oui, alors c'est parfaitement exact. C'est parfaitement exact, mais pendant longtemps, c'est presque un peu caricatural. C'est-à-dire que Hermione est un personnage qui est un peu construit sur le modèle du comble. Quel est le comble pour une jeune fille ? Eh bien, c'est d'être un couteau suisse ou un mari bricoleur. C'est-à-dire que chaque fois que Harry a une panique, « Mon Dieu, comment on fait ?» Hermione arrive, t'inquiète, j'ai le sortilège, et je vais planter le clou à ta place. Mmh. C'est féministe, ça ? Pardon ? C'est féministe, ça, comme démarche, comme personnage ? Disons que c'est très difficile, je pense, d'être féministe. Enfin, j'en sais trop rien, me direz-vous, mais il me semble aussi que c'est pas facile, et que Hermione, à un moment donné, pour pouvoir s'affirmer comme femme, est obligée de s'affirmer comme un être complet, et qui n'a même pas besoin des hommes. C'est toute la difficulté de sa relation à Ron. Elle n'arrive pas, comme elle est très forte dans tous les domaines, elle n'arrive pas à se rendre compte, elle n'arrive pas à communiquer avec sa propre faiblesse, faiblesse qui laisse une place à Ron, et il faut 7 volumes pour qu'enfin elle s'avoue à elle-même qu'elle ne sait pas pourquoi, mais elle a besoin de lui, elle n'est pas complète, elle a besoin de l'autre, et on peut être féministe au sens où on a le sens de sa dignité et aucune intention de se laisser marcher sur les pieds, et néanmoins, voilà, aller vers l'autre sexe et avoir envie d'échanger et de vivre avec. Donc elle est féministe pour vous, J.K. Rowling? En tout cas, elle se présente comme telle. Oui, je pense qu'elle l'est. De toute façon, il y a eu un moment où une polémique autour de ça. C'est assez ancien. Ça doit remonter aux années 2001-2002. Je crois qu'il y avait eu une polémique Et elle a répondu, c'est dans le tome 5, à un moment donné, Hermione râle que, comme elle est la fille, on lui refile je ne sais quelle tâche, et avec mépris, et Harry lui répond, comment peux-tu croire, alors que je te connais depuis 5 ans, que j'ai dans la tête qu'il n'y a pas de fille intelligente. Comment tu peux croire une chose pareille ? Elle a répondu en une ligne extrêmement cinglante, où Harry remet les choses d'aplomb. Il a pour Hermione une estime qui est totale. Et donc, on ne peut pas dire, si vous voulez, que ce personnage soit dédaigneux à l'égard des demoiselles. Les adolescents sont parfois incroyablement fragiles. Ils sont presque toujours incroyablement fragiles. Mais je ne pense pas faire des adolescents une description romantique, je veux dire. Dans le livre, certains d'entre eux sont de véritables petits salauds et ont des comportements atroces. Mais parfois, ils touchent à des secrets profonds et des vérités que certains des personnages adultes ne veulent pas voir remonter à la surface ou préfèrent ignorer. Donc voilà ce qu'il y a dans l'adolescence. C'est comme ça que je pense l'adolescence. Un curieux mélange entre le pouvoir de chercher et dire la vérité et une force de destruction qui n'a pas de but très forte. And sometimes very destructive force. Draco, years ago, I knew a boy who made all the wrong choices. Please let me help you. I don't want your help. Don't you understand? I have to do this. I have to kill you. He's gonna kill me. J.K. Rowling, qui est née en 1965. On peut imaginer peut-être, après tout, Harry Potter est un livre aussi sur l'adolescence, on va parler tout à l'heure du genre de ce livre, on peut imaginer peut-être qu'elle a eu une adolescence elle-même sans doute un peu difficile. Est-ce que ça fait partie aussi... C'est possible, ça lui appartient. Ce qu'on peut dire, c'est qu'elle a apporté la bonne réponse, c'est-à-dire qu'elle s'est orientée vers le savoir. Elle est manifestement latiniste, elle a une connaissance vraiment, vraiment fouillée, vraiment profonde de la littérature médiévale et de la littérature antique à titre indicatif. Ça, tout le monde peut s'en rendre compte. Dès l'ouverture du tome 7, en épigraphe, elle cite Eschyle. Or, c'est pas gagné de citer Eschyle, parce que des mises en scène des pièces de Sophocle, on en voit, des mises en scène des pièces d'Euripide, on en voit. Eschyle, faut vraiment avoir fait la démarche de le lire. Et c'est pas non plus par hasard si elle le cite lui, c'est qu'il est... non seulement un auteur tragique avec une vision très sombre, mais aussi le premier auteur qui ait été touché par des souffrances infligées à des enfants. Dans Homère, les adultes pleurent sur eux-mêmes, il n'y a pas d'enfants. Dans Eschyle, on s'occupe des enfants. Et il se trouve qu'il a une vision tragique de l'existence, mais que néanmoins, chez Eschyle, parfois, ça s'arrange avant la fin. Et pourquoi ça s'arrange ? Eh bien parce que la cité s'en mêle, et donc c'est aussi le premier auteur qui croit à la démocratie, non pas naïvement, mais en gros, c'est la démocratie, c'est le moyen de limiter les dégâts. Et ça correspond à quelque chose de très profond dans le livre de J.K. Rowling. Elle a bien une vision très noire, on vient de l'entendre encore, hein, des gens, du monde, etc. Mais elle ne désespère pas complètement parce qu'il y a la démocratie et qu'il y a des cadres et des valeurs et des principes. Et elle compte sur les enfants, tout en étant très indignée des souffrances auxquelles ils peuvent être exposés. C'est assez frappant quand même, ça. C'est pas le résultat d'un hasard, si vous voulez. Donc voilà. Donc une femme d'une très grande culture littéraire, qui a d'ailleurs suivi des études de littérature. Oui, et même à la Sorbonne. Non seulement elle en a fait dans le sud de l'Angleterre, mais elle en a fait ensuite à la Sorbonne. En 1985. Et là, je crois, oui, qu'elle a enseigné même, alors comme assistante d'anglais, semble-t-il. Elle a eu une expérience de l'enseignement, peut-être à nouveau une au Portugal. Donc des expériences assez courtes, mais alors apparemment, elle a compris beaucoup de choses quand même. Ça, c'est très frappant de voir la lucidité dont elle fait preuve quand elle parle des enseignants, des erreurs qu'ils peuvent commettre... De ce qui est censé dans leur démarche. Et puis, alors, elle est extrêmement sévère avec, disons, le pédagogisme, hein, et avec les inspecteurs pédagogiques. Enfin, Dolores Umbridge, qui est quand même un personnage parfaitement détestable, est inspecteur pédagogique. On peut pas faire l'impasse sur cette information. Et elle est donc très, très vigilante sur l'éducation, sur la formation. En quoi, si vous voulez, c'est vraiment une humaniste. C'est-à-dire qu'elle compte sur l'éducation et elle participe dans la mesure où son livre est une éducation. C'est une éducation à la solitude, c'est une éducation au courage. Enfin, il y a véritablement une richesse thématique et des choses à nous dire. Elle a cette propre, cette dimension pédagogue. Et quels seraient les écrivains, les auteurs qu'elle aurait pu, par exemple, lire durant ses années d'études à l'université, ou même éventuellement plus tard, qui seraient à la source de Harry Potter, qui seraient à la source de sa vision de la littérature? Alors, on cite généralement Tolkien pour répondre à cette question, mais moi, je ne suis pas du tout convaincu. Je trouve que les contacts entre les deux univers sont beaucoup plus anecdotiques. C'est la fantasy qui les rapproche, oui. On en parlera justement. Oui, je crois plutôt que, comme probablement toute adolescente anglaise, elle a lu Jane Eyre, et ça l'a intéressée. Alors, qu'est-ce que vous voyez justement entre Jane Eyre et l'enfance de Harry ressemble à s'y méprendre à l'enfance de Jane Eyre. Jane Eyre a perdu ses parents, elle avait un an, elle a été adoptée un peu de force par une tante qui ne l'aime pas. Elle est martyrisée par son cousin Germain. Enfin bon, on a vraiment un côté chez Harry Potter, chez le petit Harry du premier tome, quelque chose qui nous rappelle Jane Eyre. On a également Kipling, où il est Harry est un peu dans la situation de Mowgli. Alors son tigre s'appelle Voldemort, mais pour le sauver, pour le protéger, il y a le chef de la meute, le loup qui s'appelle Aquila. Donc c'est l'aigle en traduction du latin, et on sait que Dumbledore a un nez aquilin. Bon, alors c'est vrai que ça paraît un peu léger comme contact, mais ensuite on a Bagheera, la panthère, qui a un côté assez institutrice anglaise et qui donc rappelle un peu McGonagall. Et puis surtout, on a Baloo, l'ours, qui fait là irrésistiblement songer à Hagrid. Et donc on voit qu'il y a des... Et puis il a été dit à Mowgli que tôt ou tard, il va falloir qu'il tue Shere Khan, parce que s'il ne tue pas Shere Khan, c'est Shere Khan, le tigre, qui le tuera. Donc si vous voulez, là aussi, on a une structure qui rappelle Kipling. C'est peut-être ça qui rend aussi la lecture de J.K. Rowling relativement aisée, et l'entrée aussi dans son univers, qui pourtant est très particulier, parce que elle rassemble finalement une culture littéraire qui est déjà assimilée. Oui. Elle reprend finalement des grands thèmes de la littérature. C'est que dans son livre, tout est vieux et en même temps tout est neuf. Tout est neuf parce que, bah, par exemple, il y a la carte du maraudeur, parce que, par exemple, il y a le saule-cogneur, la calère d'un videur de boîte de nuit, parce que les balais magiques font songer à la fois aux hélicoptères ou aux scooters, ça correspond vraiment au rêve des ados. Donc, il y a comme ça quantité de la voiture qui retourne à l'état sauvage. Enfin, il y a quantité d'inventions, il y a une inventivité prodigieuse. Donc, tout est neuf. Et en même temps, tout est vieux, parce que quand on lit, on reconnaît, je me souviens très bien, en lisant le tome 2 pour la première fois, je me disais, c'est bizarre, elle a piqué la fin à qui? Et comme je ne trouvais pas, je me suis dit, bah tiens, elle a dû piquer dans l'Arioste, parce que l'Arioste, je ne l'avais pas lu. Je suis allé lire l'Arioste, et effectivement, j'ai même trouvé l'hippogriffe qui apparaît au tome 3 dans l'Arioste. Donc vraiment, c'est de la culture vivante. Vous savez, Umberto Eco nous avait déjà fait le coup avec Le Nom de la Rose. On avait le sentiment d'une érudition devenue folle. Et ça fait assez écho à ce que nous avait révélé Michel Foucault, entre autres. C'est-à-dire que pendant très longtemps, pour rêver, il fallait fermer les yeux, et maintenant, pour rêver, il faut lire. Et le savoir devient lui-même une source de création inépuisable. Je reviens un tout petit peu quand même sur la biographie, puisque c'est aussi le principe de notre première émission du lundi. Il y a quand même quelque chose qu'il faut signaler dans la vie de J.K. Rowling, c'est la maladie de sa mère, sclérose en plaques, qui va donc mourir à 25 ans, quand J.K. Rowling a 25 ans. Donc ça signifie qu'elle passe l'ensemble de son adolescence à voir sa mère malade. Est-ce que ça, vous le retrouvez dans les livres ? La mort est omniprésente dans son texte. La mort est omniprésente dans son texte, et l'idée, enfin le chemin que doit faire Harry, c'est d'essayer d'identifier ses parents, de retrouver ses parents, de les retrouver en fait en lui, hein, évidemment, parce que comme ils sont morts, il ne peut pas les retrouver autrement que par la collection d'informations, par l'imagination, par une réflexion sur les quelques éléments qu'il peut avoir. Et on sent, oui, qu'elle a été hantée par la mort de sa mère. Et alors, elle a quelquefois parlé de son père très brièvement, de façon un petit peu dédaigneuse, mais ce que j'ai appris depuis peu, c'est qu'il était tout de même ingénieur en aéronautique. Parce que la légende dit que c'est une famille assez modeste. Oui, la légende dit que c'est une famille assez modeste, alors qu'il était quand même ingénieur en aéronautique, donc je ne connais pas les tarifs, enfin, il devait quand même être payé assez correctement. Et puis surtout, pendant des années, j'ai dit à mes étudiants qu'une chose extrêmement frappante dans son livre, c'est qu'elle avait serré tous les boulons. Et c'est ce qu'il faut faire avant de faire décoller un avion, il faut avoir vérifié que tous les boulons... Et j'utilisais cette formule, pas très élégante, mais je l'espérais éloquente, et j'ai découvert que finalement, il y avait peut-être une filiation inconsciente entre l'ingénieur de père et puis le caractère d'ingénierie extrêmement précise d'un texte où vraiment rien rien n'a été laissé au hasard. C'est-à-dire qu'on a le sentiment d'une très grande liberté d'écriture, d'invention, et en même temps, quand on regarde bien, tout est serré, tout est vérifié. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure le passage au Portugal. En effet, elle est partie enseigner pendant quelques années à Porto. Elle s'est mariée là-bas, ou en tous les cas, elle a eu un enfant avec un journaliste de la télévision portugaise. Elle a donc vécu en Écosse, à Paris, au Portugal. Et ça, c'est une bibliothèque de décors qu'on va retrouver dans toute la saga de Harry Potter, François Combat. Oui, elle puise sa culture et son imagination vraiment de façon assez large. Et puis elle puise probablement, mais ça évidemment c'est plus intime, c'est plus difficile à déceler, dans certaines expériences pas toujours très heureuses. Alors, de temps en temps, il y a des indices qui sont assez amusants dans le tome 7. À un moment donné, le trio transplane, c'est-à-dire qu'ils changent très facilement hein, de localisation. Et puis, ils se retrouvent dans une forêt. Harry demande « On est où ?» Et alors elle répond « Dans la forêt de mes parents m'emmenaient camper là quand j'étais gamine. » Et là, on se doute que mes parents m'emmenaient camper là quand j'étais gamine. C'est ce qui est arrivé à J.K. Rowling. Mais c'est quelques lignes par-ci, par-là. Je ne pense pas qu'il y ait une seule fois le mot Portugal dans un ouvrage de 4000 pages. Non, mais il paraît qu'il y a donc les costumes des étudiants de Coimbra, la bibliothèque la plus célèbre Porto. Il y a sans doute aussi des références à Paris. On pourrait les trouver si on cherchait... Le nom de Voldemort, c'est un nom français. Voilà, par exemple, écoutons J.K. Rowling nous parler de la façon, une fois qu'elle était rentrée en Grande-Bretagne, dont elle a eu l'idée de Harry Potter. I was going by train from Manchester to London. J'étais assise dans le train, entre Manchester et Londres. Je pensais à toute autre chose que l'écriture et l'idée m'est tombée dessus. Tout d'un coup, j'ai vu Harry très clairement, ce petit garçon tout maigre. J'ai ressenti une vague d'excitation parcourir tout mon corps. Je ne m'étais jamais sentie aussi enthousiaste pour quoi que ce soit qui avait à voir avec l'écriture. Je n'avais jamais eu d'idée qui avait provoqué chez moi une telle pulsion et je me suis mise à fouiller frénétiquement dans mon sac à la recherche d'un stylo, d'un crayon ou je ne sais pas quoi. Je n'avais même pas d'eyeliner avec moi, donc j'ai dû rester assise et penser. Et pendant 4 heures, parce que le train avait du retard, j'avais tout plein d'idées qui se bousculaient dans ma tête. La compagnie des auteurs sur France Culture. Nous parlons de J.K. Rowling avec François Combat, de J.K. Rowling qui rentre donc en Grande-Bretagne. Ça s'est mal passé avec le journaliste de la télévision portugaise. Elle a quand même une petite fille. Et là, c'est un peu le début tragique d'un conte de fées. C'est-à-dire François Combat, qu'elle vit, dit-on, des aides sociales et qu'elle ne voit pas du tout où sa vie pourrait la conduire. Elle est même, je crois, au fin fond de la dépression. Peut-on croire, de la part de la reine du conte de fées, à cette histoire qu'on nous raconte ? Ben, disons que l'histoire qu'on vient d'entendre, qu'elle a évoquée, rappelle étrangement un texte merveilleux de Virginia Woolf, qui est une conférence qu'elle a prononcée, je crois, en 1929, qui s'appelle « Mr. Bennet et Mrs. Brown ». On la trouve dans les essais critiques de Virginia Woolf en folio classique, hein, c'est pas un texte caché, il est traduit, où elle raconte quasiment la même chose, c'est-à-dire qu'on a un train, Virginia Woolf entre dans ce train, elle dérange manifestement une conversation difficile entre un homme d'âge mûr assez vulgaire et assez sûr de lui et une vieille dame qui a peine à retenir ses larmes. Et Virginia Woolf dit que un roman, ça commence comme ça, avec une vieille dame assise dans le coin du compartiment et qui a l'air de qui ne vous parle pas mais qui vous dit « attrape-moi si tu peux » et après on va patauger de volume en volume à essayer d'attraper. Moi j'ai un peu tendance à penser que cette histoire que vient de nous raconter J.K. Rowling est vraie parce que il y a quand même deux choses qui sont frappantes. La première, c'est qu'elle a réussi à créer quelque chose. Et donc, après tout, pourquoi elle a eu la vision de quelque chose. Oui, pourquoi il n'y aurait pas eu un point de départ? Créer n'est pas donné à tout le monde. Et, même les personnes cultivées n'y arrivent pas toutes, loin s'en faut. Et puis, il y a une deuxième chose qui est assez frappante. Enfin, ça, c'est un peu désagréable à dire. Enfin, qu'elle a créé Harry Potter, mais depuis, elle rame un peu, quand même, hein, les œuvres ultérieures de J.K. Rowling. Alors ça, il faut le dire aussi. C'est-à-dire qu'après la saga, il y a eu des romans policiers publiés sous pseudonyme. Oui, et puis il y a eu une place à prendre ou quelque chose comme ça. C'est pas honteux d'ailleurs ce qu'elle a fait. Mais enfin bon, voilà, je pense pas que ce sont des romans qui feront date. Je crois qu'il lui arrive quelque chose de terrible, j'espère qu'elle surmontera d'ailleurs, mais qui est déjà arrivé hein, dans l'histoire de la littérature. Pensons par exemple à Laclos, l'auteur des Liaisons dangereuses. Bah, il publie les Liaisons dangereuses en 1782, il meurt 20 ans plus tard, pendant 20 ans il n'a rien fait. Il arrive hein, qu'un auteur soit l'homme d'un seul livre. Là, il me semble qu'elle tâtonne, qu'elle patauge un peu, qu'elle a peut-être eu tort de faire de l'épisode suivant. Là, L'Enfant maudit, elle a peut-être eu tort d'en faire une pièce de théâtre avec d'autres. Elle aurait peut-être mieux fait d'en faire un roman pour elle-même. Mais apparemment, bon, elle n'a pas voulu. Alors, évidemment, elle a un talent fou, elle a un métier fou, mais il lui manque justement la visitation qu'elle vient de nous raconter, là, où elle a été visitée par Harry comme on l'est par un ange. Alors, elle a sorti un site internet il y a quelques années qui s'appelle Pottermore, sur lequel, en fait, elle publie des textes qui sont en lien avec la saga de Harry Potter. Il y a donc aussi, vous l'avez mentionné, la pièce de théâtre qu'elle n'a pas écrite elle-même. Est-ce qu'elle ne parvient pas à sortir précisément de cet univers, selon vous ? Ben, j'ai l'impression qu'elle a du mal à en sortir, et puis ça se comprend parce que elle seule était capable de l'inventer. Apparemment, c'est une invention qui engage vraiment le tout de l'être. C'est-à-dire qu'elle disait qu'elle s'était mise tout entière dans Hermione. Je crois qu'elle s'est mise tout entière dans toutes les lignes de son livre, dans tous les personnages de son livre. Donc c'est une autobiographie. Oui, c'est disons que Gide dit à propos de Dostoïevski que les grandes œuvres apportent la confidence involontaire de leur auteur. Eh bien, je crois que c'est ça. Mais ça, pour bien voir, pour bien élucider la part de confidence involontaire, il va nous falloir un peu de patience et un peu de temps, ce que vous disiez tout à l'heure. Vous dites, François Combat, que c'est une œuvre d'art. Vous employez ce mot-là. Vous dites pas c'est une grande œuvre de la littérature. Vous dites c'est une œuvre d'art. Qu'est-ce qui vous fait choisir ce terme-là ? Parce que les critiques que j'ai pu lire dans le passé n'hésitaient pas à ranger la littérature dans les arts et par conséquent à parler d'œuvres d'art devant un poème de Baudelaire, un poème de Mallarmé, un roman de Stendhal, etc. Bon. Je crois qu'il y a œuvre d'art à partir du moment où on est dans un univers intelligible et en même temps inépuisablement troublant. On croit qu'on comprend, oui on comprend et en fait on n'a pas compris, et l'œuvre toujours à la fois se donne et se dérobe, en sorte qu'on s'épuise, on la relit, on s'exalte aussi, c'est amusant, au bout d'un moment on finit par accepter la perpétuelle défaite de la critique. Si vous... Donc à chaque fois que vous relisez un tome d'Harry Potter, ce qui vous arrive peut-être fréquemment, vous y trouvez de nouvelles facettes. Oui, et je ne pense pas être la dupe dont parle Buffon dans l'épisode sur la société des mouches. C'est-à-dire que je ne pense pas que je m'extasie de choses que je mettrais moi-même dans un objet dépourvu d'intérêt. Je crois que l'objet est au contraire d'un très haut intérêt. Et puis d'ailleurs, enfin, vous avez des invités des séances suivantes qui vont vous le dire. Je ne suis pas le seul au monde à dire que ce livre n'est pas simplement un livre qui se dévore, mais que c'est aussi un livre qui se déguste et qui se médite et qui se mâche et se remâche inépuisablement. Vous faites la comparaison aussi avec Nabokov. Oui, parce que Nabokov, au moment où il travaillait sur Lolita, donnait des cours à l'université et il disait qu'on reconnaît un grand écrivain à ce qu'il est à la fois conteur, pédagogue et enchanteur. Et donc conteur, l'art de raconter les histoires, pédagogue, c'est important. Ça veut dire qu'un grand écrivain, mais ça serait vrai d'un grand peintre ou d'un grand musicien aussi, c'est quelqu'un qui informe notre vision du monde, qui nous donne une vision du monde à partager et qui nous amène à considérer les autres, l'extériorité ou l'intériorité d'ailleurs, d'une façon inattendue à nous-mêmes. Et puis, il y a la dimension d'enchanteur, et bon, il est indéniable que son livre est un enchantement, que tout à la fois on s'amuse et on pleure, on vit beaucoup de vie en lisant Harry Potter. C'est un enchantement, mais qu'est-ce que c'est que ce livre ? Est-ce que c'est un conte ? Est-ce que c'est un roman ? Est-ce que c'est pour les adultes ? Est-ce que c'est pour les adolescents ? Quel est le genre finalement ? Alors, pour le genre, ça commence les deux, trois trois premiers chapitres comme un conte de fées. Ça finit comme un conte de fées. Comme une satire aussi. Beaucoup d'enfants. Et dans l'intervalle, on a un gigantesque roman d'apprentissage. Un gigantesque roman d'apprentissage avec la mise en forme du temps que ça suppose. C'est-à-dire que, bon, on ne peut pas dire que ce soit une adolescence en temps réel, mais peu s'en faut. Et ce qui est assez impressionnant, c'est qu'elle fait mûrir son écriture à mesure que se développent chez Harry ses aptitudes au raisonnement complexe. C'est-à-dire qu'elle écrit pour enfants de 11 ans, du point de vue d'un enfant de 11 ans au début, et puis arrivé à la fin, il est adulte, et non seulement il est adulte, mais il est même assez intellectuel. Enfin, il a fait sa mutation au cours du tome 6, où il a attrapé le manuel de potions du prince de Sang-Mêlé, et puis il en a lu très attentivement les annotations, il a pratiquement fait son hippocagne, là, il est passé du manuel scolaire à la thèse, vous voyez. Et on le trouve arrivé dans le 7e tome, c'est un jeune adulte, et c'est un jeune adulte qui a une pensée, et une pensée autonome, et la phrase se complexifie à mesure, n'est-ce pas, que le temps se déploie. Donc finalement, il faut que les lecteurs grandissent en même temps que la série elle-même. Mais c'est pas la peine, parce que vous, quand vous êtes lecteur, vous suspendez votre personnalité, votre incrédulité, etc. Et vous devenez celui, si l'auteur est bon, vous devenez le lecteur que vous voulez qu'il soit, qu'il veut que vous soyez, pardon. Et par conséquent, quand on lit Dickens, il y a des moments où on est un enfant. C'est parce que Dickens attend ça de nous et qu'il a besoin de ça pour faire fonctionner la machinerie. Oui, alors il est certain qu'il y a eu ce phénomène, mais ce phénomène s'éloignera dans le temps de jeunes gens qui ont grandi avec le personnage, mais je crois que Harry Potter a trouvé des lecteurs après cela et qu'il en trouvera encore un certain temps. Une autre comparaison, et on terminera par là, François Combat, que vous faites avec un grand écrivain de la littérature mondiale, c'est avec Faulkner. Faulkner qui dit au fond, écrire, c'est pour aider les lecteurs à endurer la vie. Harry Potter aussi, J.K. Rowling aussi, c'est son projet d'aider ses jeunes ou moins jeunes lecteurs à endurer. J'ai vraiment eu le sentiment, moi, en lisant ce livre, qu'elle avait pleinement médité le très court discours que Faulkner avait fait en recevant le prix Nobel de littérature, où effectivement, en gros, il a commencé son discours en disant, bon, la bombe atomique et les angoisses nucléaires, on s'en fiche. Notre sujet, c'est le cœur de l'homme en conflit avec lui-même. Et le poète, le romancier, vient nous aider à endurer effectivement ce que vous venez de dire. Et il est là pour nous transmettre l'énergie, la passion, l'orgueil, le sacrifice. C'est ça le sujet. Et j'ai vraiment eu le sentiment, en relisant cette page, que c'était le programme qu'elle s'était donné à elle-même. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Merci beaucoup François Combat, vous restez avec nous pour la seconde partie de cette émission, avant laquelle je vous propose de retrouver Stanislas Rigaud pour En compagnie des revues. Bonjour Stanislas. Bonjour. Vous venez nous parler de la revue Page des libraires, et dans la revue Page des libraires, dans les librairies de France et de Navarre, comme partout ailleurs dans le monde, n'ayons pas peur des mots, on parle aujourd'hui du prix Goncourt attribué à Éric Vuillard pour L'ordre du jour. C'est un livre sur l'Anschluss, c'est publié chez Actes Sud. Un petit mot peut-être, votre point de vue sur ce prix, sur ce livre. Énorme surprise, tout le monde va en parler, hein. C'était effectivement l'outsider de cette finale, pourtant déjà très très pleine. C'est un excellent livre, et c'est un excellent livre qui est une porte d'entrée à une œuvre. C'est-à-dire que Éric Vuillard est un véritable auteur qui travaille depuis de nombreuses années sur l'histoire, et plutôt l'envers de l'histoire. Donc là, effectivement, comme vous l'expliquez, on va parler de l'Anschluss, c'est-à-dire la légende de l'Anschluss avec cette espèce de perfection allemande qui va écraser l'Autriche, la Wehrmacht, la démonstration de force. Et Éric Vuillard va vous raconter qu'en fait, ça a été un foutoir sans nom. Oui, parce que les chars, les fameux Panzer, apparemment, une fois la frontière passée, pouf, tombent en panne. Ils ne sont pas prêts, c'est dû au fait que les nazis autrichiens ont dit oui, puis finalement ils ont dit non, enfin bon. Et il décortique ça avec le tout dans une langue. C'est-à-dire que là, vraiment, c'est un écrivain de par, à mon avis, son univers, mais aussi de par sa langue, qui est effectivement, qui justifie amplement ce Goncourt. C'est-à-dire que c'est un brillant styliste, qui, livre après livre, il a fait le 14 juillet, il a fait le western, il a fait l'entrée en Première Guerre mondiale, il a fait la colonisation. Donc, vous voyez, c'est, petit à petit, il crée un panorama large. Et la surprise vient avant tout, non pas de la qualité du livre, mais du fait que c'est un livre qui était paru en début d'année et qu'on n'attendait pas du tout. Et que c'est un petit livre. Bon, un bon Goncourt, donc, selon vous, Stanislas Rigaud. Vous êtes venu nous parler en particulier d'un article que vous avez rédigé dans Page des Libraires sur Don DeLillo et son livre Zéro Cas, un livre poétique et glaçant. Exactement. Alors, Don DeLillo est pour moi un des très très grands auteurs vivants américains, mais ça va bien au-delà. Quelqu'un qui conjugue deux choses, là encore, comme on expliquait avec Vuillard, un univers, une vision du monde, de la société et de l'être, mais qui est vraiment compilé à ajouter à une force d'écriture. C'est-à-dire que ça fait partie des auteurs, je prends une page et c'est parti. Encore faut-il que la traduction soit à la hauteur. Et je crois qu'elle l'est. Mais voilà, il y a une force d'écriture. Et donc là, c'est un roman, on va dire, initiatique, mais d'initiation un peu particulière, puisqu'il s'agit d'initiation à la mort. Mmh. Autre livre, L'année du lion, d'Eon Meyer. Alors là, on revient plus dans la lignée entre très grosses guillemets d'Harry Potter, puisque c'est l'histoire d'un adolescent qui, avec son père, après une catastrophe qui a réduit en miettes une grande partie de l'humanité, va devenir un adolescent. Et c'est un grand roman initiatique écrit par un des grands spécialistes du roman policier qui met tous ces trucs, à la manière de Ken Follett dans les romans historiques, tous ces trucs de narration et de roman policier pour donner un rythme fou à cette histoire de communauté post-nucléaire. Et puis troisième des livres dont vous venez nous dire un mot aujourd'hui, Stanislas, c'est ce roman graphique qui a été fait à partir du journal d'Anne Frank. On le doit à Harry Folman et David Polonsky. Extraordinaire, vraiment. C'est un des grands événements de cette fin d'année, c'est-à-dire que les auteurs de Valse avec Bachir s'emparent du journal d'Anne Frank. C'est extrêmement respectueux. C'est un travail de commande, hein. C'est le fond Anne Frank. Il n'y a pas de surprise par rapport à ça. Mais alors, ils réussissent dans ce carcan à non seulement respecter le texte d'Anne Frank, qu'on redécouvre. En relisant ce roman graphique, on se rend compte, enfin, en tout cas, je me suis rendu compte à quel point je ne connaissais pas cette histoire il y a très longtemps que je l'avais lue. Et en plus de ça, ils y intègrent leur univers. Le dessin est magnifique. La perspective qu'ils y ajoutent, ils mélangent les œuvres d'art au récit. C'est une très grande bande dessinée, lisible en première adolescence, mais en tant qu'adulte, je peux vous dire que j'ai été très très saisi par cette histoire. Oui. Donc trois suggestions à retrouver dans Page des Libraires. Où est-ce qu'on peut se procurer le magazine? Est-ce Alors, qu'il est dans toutes les librairies? Dans toutes les très bonnes librairies. Ah oui, mais elle est très bonne, comment? On va savoir quelles sont les très bonnes. Bon, allez voir près de chez vous, puis vous saurez si vous avez à côté de chez vous une bonne ou une moins bonne librairie. Merci Stanislas. J.K. Rowling et de son personnage de Harry Potter dont nous parlons cette semaine dans la compagnie des auteurs. Nous le faisons à présent avec Jean-François Ménard qui est le traducteur français de la saga. Harry tried and tried. He had no idea what Mr. Ollivander was waiting for. The pile of tried wands was mounting higher and higher on the spindly chair, but the more wands Mr. Ollivander pulled from the shelves, the happier he seemed to become. Tricky customer, eh? Not to worry, we'll find the perfect match here somewhere. I wonder now. Yes, why not? Unusual combination. Holly and phoenix feather, 11 inches, nice and supple. Harry took the wand. He felt a sudden warmth in his fingers. He raised the wand above his head, brought it swishing down through the dusty air, and a stream of red and gold sparks shot from the end like a firework, throwing dancing spots of light onto the walls. Hagrid whooped and clapped, and Mr. Ollivander cried, Oh, bravo! Yes, indeed, oh, very good! Well, well, well! How curious! How very curious! Bonjour Jean-François Ménard. Bonjour. J'ai vu vos yeux se perdre en écoutant la voix de J.K. Rowling lisant son propre texte. Est-ce que vous recherchiez le passage qu'elle lisait? Ah ben ça, le passage, on le découvre très vite. Hein. C'est le moment dans le premier tome où Harry Potter achète sa baguette magique et le marchand de baguettes, Ollivander, lui trouve une baguette qui est extrêmement étrange, puisqu'elle a des points communs avec celle de Voldemort. Non, c'est vraiment très agréable d'entendre ce texte dit par son auteur, et avec cette passion qu'on trouve dans le texte lui-même. C'est extraordinaire. J.K. Rowling disait tout à l'heure que quand elle avait inventé ce personnage, les idées se bousculaient dans sa tête. Et j'aime bien cette idée que les idées se bousculent dans sa tête, parce qu'on le sent dans sa façon d'écrire. Là, on le sentait dans sa façon de lire. C'est un bouillonnement perpétuel de mille idées qui viennent de tous les côtés. Et on n'est jamais dans le calme avec elle. On est toujours dans ces idées qui jaillissent de partout. Et c'est très agréable pour un traducteur d'avoir une écriture tendue comme ça vers l'imagination, vers l'imaginaire, et de suivre ce rythme extraordinaire qu'elle a su insuffler à ses livres. Cette voix, est-ce que vous l'avez entendue? Est-ce que vous l'avez rencontrée, cette voix? Est-ce que vous avez vu de visu J.K. Rowling? Oui, je l'ai rencontrée une fois, le jour où elle est venue à Paris pour recevoir les insignes de chevalier de la Légion d'honneur. Ça se passait à l'Élysée. Et j'ai eu l'occasion à ce jour-là de la rencontrer. Ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait beaucoup d'enfants qui avaient été invités, et elle a pu dialoguer avec des enfants, des lecteurs français qui rencontraient. En français, parce que du coup, elle doit parler assez bien le français. Pour cette cérémonie, elle a fait un discours en français. Elle parle français très très bien. Et elle a dialogué avec ses jeunes lecteurs en français, et c'était vraiment très émouvant de voir que, bon, d'habitude, ce sont des lecteurs de langue anglaise qui ont l'habitude de la rencontrer quand elle se déplace. Et là, c'était pour une fois de jeunes français, et c'était vraiment très intéressant de les voir. Ils étaient un peu à l'écart comme ça, et ça s'est très bien passé. Est-ce que vous voudriez ajouter quelque chose à ce qu'on a dit en première partie pour replacer un petit peu quelques éléments biographiques, notamment peut-être sur son rapport à la France, son rapport à Paris ou son passage à la Sorbonne en 1985? Oui, alors évidemment, je crois que le nom le plus important, le nom français de la saga, c'est Voldemort. Mm-hmm. C'est un nom absolument prodigieux. Voldemort. Que les Anglais comprennent ou pas? Ah, ça, alors, faut leur demander. Mais en tout cas, c'est une trouvaille absolument extraordinaire, le vol de mort. Oui. Là, vraiment, il n'y a pas de problème pour le traducteur. Pour le traducteur français. Oui, c'est ça. Oui. Et par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, il y avait une idée que je trouve assez importante dans la saga. Lorsque J.K. Rowling dit... tout d'un coup, j'ai eu la vision de Harry, alors que j'étais pas du tout dans l'humeur d'écrire quelque chose, que j'avais pas du tout ça en tête. Et tout d'un coup, Harry m'est apparu. Et il y a une notion de destin dans cette apparition de Harry. Et la notion de destin est très présente dans la saga, parce que finalement, Harry Potter a un destin. Il est obligé de se confronter à Voldemort, donc est l'incarnation du mal, parce que il a beaucoup de points communs avec lui, finalement, malgré lui. Et c'est même par son intermédiaire que Voldemort est revenu à la vie. Et cette relation entre le destin qui oblige ce personnage à se confronter à Voldemort, à le combattre, et sa propre liberté qui pourrait l'inciter à se défiler, à fuir ce caractère inéluctable, c'est très intéressant, parce que c'est vraiment la problématique de destin-liberté. Et finalement, J.K. Rowling, en ayant eu le destin de voir surgir ce personnage dans sa tête, a orienté sa propre liberté vers ce signe extérieur qui vient de... Donc sa liberté, c'est de suivre son destin ? Sa liberté, c'est de se positionner par rapport à son destin et d'en faire quelque chose. Parce qu'un destin, on peut aussi le refuser. On a la liberté, c'est ça la liberté, c'est de refuser son destin. Mais tout le monde n'a pas un destin. Mais lorsque le destin se manifeste, celui qui en est l'objet peut dire ben non, ce destin, je n'en veux pas. Mais les conséquences sont considérables. Si Harry Potter refuse son destin, s'il refuse de combattre Voldemort, c'est toute l'humanité qui en est la victime par la suite. Et donc il est obligé et en même temps, il conserve une part de liberté. Alors c'est intéressant parce que elle a passé 5 années à rédiger les premiers tomes de Harry Potter et même à concevoir finalement cet univers qui est celui d'Harry Potter. Et c'était le destin finalement d'un jeune garçon qui allait devenir célèbre, qui n'est pas célèbre au début et à qui on annonce qu'en fait il est connu alors qu'il ne le sait pas lui-même. Et c'est un petit peu ce qui va lui arriver aussi, parce que sa célébrité est totalement immense. Elle n'y était peut-être pas préparée, bon, Jean-François Ménard. Oui, c'est un petit peu différent, parce que quand Harry Potter découvre qu'il est un sorcier, lui ne sait pas qu'il est célèbre, mais le monde des sorciers le sait déjà. Sait qu'il existe, qu'il est là, qu'il est célèbre. Donc c'est pas tout à fait la même chose. J.K. Rowling n'était pas célèbre à sa naissance, elle l'est devenue par elle-même. Donc c'est tout à fait différent. Mais ce qui est intéressant dans cette notion d'être célèbre malgré soi, surtout à une époque où la célébrité a beaucoup d'importance, c'est que finalement chacun peut se dire bah il y a en moi quelque chose qui fait que je mérite d'être célèbre et peut-être que ça peut donner à des lecteurs l'envie d'aller chercher au fond d'eux-mêmes quelque chose qui peut-être leur a échappé. C'est Harry Potter ne sait pas qu'il a fait tout ça, qu'il a sauvé finalement le monde des sorciers malgré lui. Alors parlez-nous un petit peu de la traduction de ces tomes. Je crois que c'est Gallimard qui a été le premier éditeur étranger à repérer finalement oui. À un moment où ça n'était pas encore la célébrité que l'on connaît aujourd'hui pour Harry Potter. Je crois que c'est donc Gallimard qui a trouvé ce livre. Et donc vous avez été le premier traducteur étranger de Harry Potter ? Oui, oui, oui. Gallimard en effet a été le premier éditeur de langue anglaise, à acheter les droits de ce livre. Et bon, je me souviens très bien que au moment où ce livre est arrivé, il commençait à avoir un peu de succès en Angleterre, pas encore aux États-Unis. Et on me l'a donné, les gens les responsables de Gallimard me l'ont donné, parce que j'avais un peu l'habitude de traduire des livres dans ce registre. Vous êtes également écrivain pour enfants. Des livres d'aventure, des livres aussi, j'avais traduit le Bon Gros Géant de Roald Dahl, qui est un travail sur le langage. J'avais traduit des livres d'heroic fantasy. Et... De fil en aiguille, on m'a proposé ce livre-là. Je l'ai lu et immédiatement, ce que j'ai vu qui m'a sauté aux yeux, c'est le langage. Oui. C'est-à-dire, c'est ce qu'il y a de mieux pour un traducteur, de réinventer un langage dans sa propre langue, un langage qui a été inventé par un auteur étranger. Et c'est ça qui m'a passionné. Et tout de suite, au moment où je lisais le livre, je me disais, ah oui, tiens, ça, on pourrait le traduire comme ça. Tiens, ça, c'est intéressant parce qu'il y a telle racine dans le mot. Et le travail de la traduction s'est fait en même temps que je poursuivais la lecture. Et cette langue qu'il faut transposer en français, c'était un travail absolument passionnant. Parce que ça faisait référence à toutes sortes de personnages, de mots anglais obsolètes. Et c'est arriver à faire ça en français, c'était un défi passionnant. Oui, parce qu'il faut dire que comme elle crée un univers, forcément, elle doit nommer un certain nombre de choses. On peut peut-être prendre des exemples. Le plus célèbre est peut-être tout simplement Poudlard, qui est donc le nom de cette école où va Harry Potter et ses camarades. Poudlard, ce qui en anglais s'appelle Hogwarts. Hogwarts, oui, oui, oui. Alors, ça, c'est assez amusant parce que Hogwarts, c'est l'inverse de Warthog. Warthog, c'est le facochère, c'est-à-dire Wart, ça veut dire une verrue. Et Hog, c'est un mot générique pour désigner les cochons, des sangliers, etc. Et donc, ça veut dire verrue de porc, Hogwarts. Et ce qui... traduit comme ça, n'est pas... Vous avez pensé verrue de porc à un moment? Non, non, non, non, non, non, ça non. L'école de verrues de porc. Oui, non, j'ai cherché quelque chose. Bon, alors voilà, il y a quelque chose qui est pas très ragoûtant, les verrues, et puis cette histoire de porc, de sanglier, bon, c'est important. Et j'ai cherché quelque chose qui pouvait exprimer le même dégoût que les verrues. Trouver pou et puis hog, bah c'était le lard, pou de lard. Et ce qui est amusant, parce que c'est quelque chose que j'ai essayé de faire dans cette traduction, c'est que au début, quand les premiers lecteurs lisaient ce livre, ils disaient mais ça se prononce comment, pou de lard, parce qu'ils pensaient que c'était un mot anglais. Moi, j'y avais pas pensé à la prononciation Poudlard, mais ça m'a fait très plaisir parce que je me suis dit, finalement, ça paraît naturel dans un contexte anglais d'avoir ce nom-là. Oui. Donc, vous avez fait une interprétation, vous n'avez pas fait une traduction littérale. Qu'est-ce qui a été finalement le plus difficile? Oh, de toute façon, on ne pouvait pas, pour une traduction comme ça, faire une traduction littérale. C'est impossible, ça donnerait rien. Mais vous n'avez pas eu peur parfois d'aller trop loin, quitte à traduire de façon peut-être un petit peu... vous n'avez pas eu peur de trahir finalement le texte original? J'étais pas trop heureux en l'occurrence, et j'ai pris peut-être des risques effectivement, mais j'avais... au fur et à mesure que je traduisais, les mots venaient de plus en plus facilement. Au début, j'avais mis un certain temps à trouver justement Poudlard, à trouver Moldu. Et puis, à mesure que je faisais cette traduction, les mots arrivaient parce que je retrouvais une certaine cohérence en français, celle de la langue anglaise. Et ce que je dis souvent, quand on fait une traduction, au bout d'un certain nombre de chapitres, on ne traduit plus. On lit. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est on est entré complètement dans le texte, on a dépassé dans 5-6 premiers chapitres, ça dépend des livres. Après, la question ne se pose plus de traduire. Le texte vient tout seul. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, Jean-François Ménard, du style en anglais de J.K. Rowling? On dit que c'est un style efficace. François Combat dit dans son texte que finalement, aucune de ses phrases n'est inutile, que toutes ses phrases font mouche. Et vous qui la lisez dans le texte, que pourriez-vous en dire? Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est une écriture qui est imprégnée d'imaginaire. Et on sent les idées dans sa tête, tourner dans sa tête. Et l'écriture poursuit cet imaginaire et trouve le rythme de l'imaginaire. Et c'est effectivement extraordinaire de voir à quel point les phrases, même les phrases les plus longues, sont parfaitement en place par rapport à la situation. On sent que au moment où elle écrit, elle a toutes ces idées qui lui viennent, qui jaillissent de tous les côtés, et elle suit avec son écriture, et c'est une espèce de course à l'imaginaire, c'est formidable. Donc ça signifie que c'est l'expérience du lecteur, la plongée du lecteur dans l'action, qui prime chez elle par rapport à une écriture qui, par sa poésie, finalement ralentirait d'une certaine façon la lecture. Non, il y a un parti pris comme ça? Ça dépend de ce qu'elle raconte. Il y a des chapitres dans lesquels le rythme est un peu plus lent, surtout dans les chapitres qui sont très noirs, comme par exemple dans la coupe de feu, lorsque Voldemort revient et qu'il se sert de Harry pour retrouver un corps, pour retrouver une existence. C'est quelque chose de très puissant, une écriture très puissante. Ça m'a fait penser un petit peu à certaines pages d'Edgar Poe, cette atmosphère dans le cimetière, ces personnages dans la nuit et comme ça qui surgissent. Et l'écriture est plus tranquille, plus calme, mais aussi terrible. C'est-à-dire que ce qu'elle raconte est absolument terrifiant, mais on n'est plus dans la précipitation. On est dans la montée de l'horreur, et ce chapitre charnière dans la saga, puisque c'est le véritable retour de Voldemort, est vraiment très important. Et là, l'écriture bascule dans ce côté sombre qu'elle revendique totalement, et qui, dans les derniers volumes de la saga, va être prédominant. C'est-à-dire que là, on est dans un monde très sombre, dans un monde qui court à sa perte si le destin de Harry Potter ne vient pas s'y opposer. Merci beaucoup Jean-François Ménard. Je rappelle que vous êtes l'inventeur de tous les mots du monde de Harry Potter en français et qui sont pour beaucoup d'entre eux devenus cultes puisque vous avez donc traduit les 7 tomes de la saga chez Gallimard entre 1998 et 2007. Un grand merci à Chloé Casmarek qui a assuré les traductions des entretiens avec J.K. Rowling et qui les a lus avec Coppelia Menardi. Et puis demain, on continue notre semaine à Poudlard en compagnie cette fois de Jean-Claude Milner et d'Isabelle Smadja pour parler de la question de la politique chez J.K. Rowling, et on tentera aussi d'analyser les raisons du succès de Harry Potter. Mais pour l'heure, eh bien, c'est le moment de retrouver Jacques Bonafé et ses lectures de poésie. Bonjour et bonjour la compagnie. Robert Desnos et Zeno Bianu. Prince de l'ultra-sensible, dit Zeno Bianu en parlant de Desnos et d'Artaud. Nous lui donnons raison. Et même nous lui cherchons noise ou bruit, rumeur et confirmation dans Desnos, l'épitaphe. L'épitaphe de Robert Desnos. J'ai vécu dans ces temps et depuis 1000 années, je suis mort. Je vivais non déchu mais traqué, toute noblesse humaine étant emprisonnée. J'étais libre parmi les esclaves masqués. J'ai vécu dans ces temps et pourtant j'étais libre. Je regardais le fleuve et la terre et le ciel tourner autour de moi, garder leur équilibre, et les saisons fournir leurs oiseaux et leur miel. Vous qui vivez, qu'avez-vous fait de ces fortunes? Regrettez-vous les temps où je me débattais? Avez-vous cultivé pour des moissons communes? Avez-vous enrichi la ville où j'habitais? Vivant, ne craignez rien de moi car je suis mort. Rien ne survit de mon esprit, ni de mon corps. Dans un extrait d'Un univers funambule de Zeno Bianu, Robert Desnos dit « Il n'était pas une fois, ou plutôt si, il était. Il était une fois. » Zeno Bianu répond « Une fois. Une seule fois, à chaque instant, c'est toujours la première fois. Un souffle, un seul pour parler avec le silence. Un seul souffle pour accepter d'être entièrement vulnérable. Desnos, Robert Desnos, ultime passager d'hypnos. Au fil de l'eau, au fil de l'os, ton poème passe à travers les yeux de ceux qui te lisent comme un vent d'énergie fauve, vif et lumineux. Et tu sens soudain que rien ne se gaspille dans l'univers. Ton poème advient le feu au nerf, en faste d'ardeur. Il s'écrit encore et toujours pour te lire encore et toujours. Une fois, une seule fois, à chaque instant, c'est toujours la première fois. L'autoportrait d'un souffle, ce comptoir de l'esprit où tu viens robinsonner, dieu des somnambules en écriture palissante, où tu écoutes l'appel de toutes les langues toujours plus amples, où tu remontes parmi les voix errantes qui parlent en toi pour saisir et révéler tout ce qui nous ouvre, tout ce qui nous tient à cœur. Une reine des catastrophes, deux grains de soleil, sous l'écorce paupière des feux d'artifice charnus, des passés cascades, le sel fertilisant des ondes, le suc des psaumes, l'orgueil des voies lactées, à faire hurler les gencives de volupté, les loups sans foi ni loi, sans nageurs plongés dans le sang des prunelles. Lentement je neigerai sur ta bouche, où tu découvres la porte du second infini, cette porte que l'on ouvre pour avancer à l'envers de soi, avec une innocence héroïque vers le vif des voix vives, vers une éclosion de rêves scintillant à 300 mots minutes. Une fois, une seule fois, à chaque instant, c'est toujours la première fois. Une cristallisation d'imprévisible. Merci Jacques Bonafé. Cette semaine, vous nous lisez donc en alternance des poèmes de Zeno Bianu et Robert Desnos. Et dans quelques instants sur France Culture, vous avez rendez-vous avec la série musicale.